papi. On the beat, I said turn it up. Mr. DJ, turn it up. I feel alive, I feel alive. No sleeping tonight. No, let the melody turn you on. Feel the vibe, feel the vibe. Everybody step to the dance floor and light it up. Don't you whine. Dance to the beat, yeah. See everybody sing along. Let it out. We live today like it's the last, like there's no tomorrow. Oh, la vie est si belle, un peu de distraction et tu pars pour s'enjailler. Mais on reste nous-mêmes, ouais. On travaille sans arrêter. En avance, car un jour, on verra le bout du tunnel d'un projet. Hey, on se lâche, on sait tout ce que demain. Sometimes you fall, you gotta crawl, don't stay down. Hold on tight to the beast inside, stand up tall. And you walk and you run. When all of you call me le faux, tu sais on the door, bow, baby, bang. No, every move that you make should be worth it. That's how you never go down. And that is life. La vie est si belle, un peu de distraction et tu pars au sang. On travaille sans arrêter. On avance car un jour on verra le bout du tunnel d'un projet. Hey, on se lâche, on sait tout ce que demain est à côté. Ouais, la famille c'est requin. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. Non, ton boulot fait le bien. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. Non, les amis qui t'aiment. Sometimes you fall, you gotta crawl, don't stay down. Hold on tight to the beast inside, stand up tall. And you walk and you run. Okay. DJ Canada Shot.